Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi en termes de goût et de couleur, personne n'a raison? Pourquoi ne peut-on convaincre quelqu'un de la beauté d'un paysage ou d'un tableau si celui-ci s'y montre insensible? Est-ce parce que, comme on entend souvent, tous les goûts sont dans la nature? Le philosophe Emmanuel Kant n'en croit rien et il explique dans sa troisième critique, la critique de la faculté de juger, publiée en 1790, que le goût n'est pas une affaire de normes, ni de critères, et que c'est pour ça qu'à propos du beau, on se dispute à l'infini. Mais qu'est-ce qu'il a mis ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le tableau. Je viens de l'acheter. C'est toi qui as acheté ça? Mais pourquoi? Parce qu'il me plaît, je trouve beau. Ah non, non, mais c'est terrible, tu vas pas laisser ça en plein milieu. J'ai dit que... me plaît ce tableau. Oh là là... Où tu l'as mis? Quoi? Le tableau, qu'est-ce que ça m'a fait? C'est toi qui l'as enlevé? Oui. Ça n'allait pas sur ce mur, je le mets ailleurs. Où ça? Bah, je sais pas, je vais réfléchir. Écoute, il est très spécial ce tableau, franchement. Laisse-moi regarder, Chou. Je t'ai dit qu'il me plaisait, pourquoi tu l'as enlevé? Tu peux pas me laisser regarder. Non. Pourquoi tu l'as enlevé? Mais je te l'ai dit, je n'aime pas ce tableau. Il va pas du tout, là, dans le salon. Je m'en fous. Il n'y a pas une chose que j'ai choisie dans cette maison. Pour une fois que j'aime quelque chose, tu peux pas me le laisser? Tu crois que je suis bien, moi, dans cette bonbonnière, là? Je peux plus les voir, moi, ces murs roses, ces petits oiseaux, ces fleurs partout. Le premier lieu commun du goût est contenu dans la proposition à l'aide de laquelle chaque personne dépourvue de goût pense se prémunir contre tout reproche. Chacun possède son propre goût. Le second lieu commun du goût est celui-ci. Du goût, on ne peut disputer. Car discuter et disputer sont différents en ce que si l'on se dispute, on préfère produire cet accord d'après des concepts déterminés, intervenant comme raison démonstrative, et qu'on admet par conséquent des concepts objectifs comme fondement du jugement. Entre ces deux lieux communs manque une proposition qui fait partie du sens commun, à savoir, du goût, on peut discuter, bien que l'on ne puisse pas en disputer. Bonjour Jacques Derulat. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de Kant ce matin. Vous avez enseigné la philosophie en classe préparatoire au lycée Henri IV, à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur du site jdarulat.net sur lequel on trouve près de 30 années de cours et beaucoup, beaucoup de notes et de cours sur l'esthétique et notamment sur Kant. Quelle place tient Kant dans votre cœur de philosophe expert en tellement de textes et d'auteurs? Ah, c'est un immense penseur. Du point de vue esthétique, il est absolument fondateur. Je pense que l'idée même de l'esthétique n'a pas vraiment trouvé son contenu avant la troisième critique, même si elle est flottante tout au long du XVIIIe siècle, qui est un siècle très attentif à la sollicitation sensible. Cette troisième critique est une œuvre tout à fait déconcertante. Parce qu'elle est déconcertée d'abord, elle est composée de deux parties au premier regard, ne semblent pas avoir grand rapport entre elles. La première consacrée donc au sentiment esthétique du beau et du sublime, et la seconde à la finalité dans la nature, mais plus profondément à ce que c'est que la vie, en fait. Mm-hmm. Réflexion sur le vivant, pas sur le vivant, sur la vie même. Par ailleurs, elle est entièrement originale, c'est-à-dire il y a, et dans la partie esthétique, puisque c'est celle qui va nous intéresser au cours de cette émission, des pensées d'une extraordinaire profondeur, tout à fait originales, qui n'ont pas été énoncées en ces termes au long du XVIIIe siècle, et qui, à mon sens, définissent un espace de perception, de réception de la beauté qui sera celui de tous les hommes, y compris peut-être et surtout ceux qui n'ont jamais lu Kant, jusqu'à la rupture de l'art contemporain que je situerai autour des années 1970. Pour commencer à esquisser la réflexion que Kant propose sur la beauté, le court extrait que j'ai lu, qui venait accompagner l'extrait du goût des autres, le film de Jean-Pierre Bacri et d'Agnès Jaoui qui a ouvert cette émission, nous donne un bon indice. C'est une bonne manière de commencer. Kant distingue, dans les discussions autour du goût, le fait de disputer des goûts et de discuter d'un goût. Alors, dans cette distinction se trouve en fait la clé de la pensée de Kant sur le beau. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cette distinction, Jacques Derulat? Oui, je crois que Kant part de choses très simples. Très simples. C'est pas un texte simple, c'est un texte très difficile. Mais il part d'une expérience que chacun connaît. C'est-à-dire, vous êtes au restaurant, vous demandez aux amis s'ils préfèrent le Bourgogne au Bordeaux. Si vous avez une préférence pour le Bordeaux, vous n'allez pas vous offenser parce que vos amis préfèrent le Bourgogne. En revanche... si vous sortez d'une exposition, je ne sais pas, sur Rembrandt ou d'un film qui vous a emballé, et que votre ami qui était avec vous pendant la séance ou pendant l'exposition vous dit que Rembrandt n'a peint que des croûtes, ou bien que ce film était un navet alors qu'il vous a bouleversé, là vous n'êtes pas d'accord, vous voulez discuter, vous allez disputer. Donc vous avez le sentiment, mais tous les hommes ont ce sentiment, que tout être humain, en tant qu'il est humain, indépendamment de sa personnalité singulière ou individuelle, doit éprouver le même sentiment esthétique que celui que vous avez éprouvé. J'irai même plus loin. Je crois que la seule façon de savoir, vous savez, c'est une question que pose Descartes dans le discours de la méthode, comment savoir si je parle à un automate ou à un être humain? C'est une question très intéressante, surtout à l'époque de l'intelligence artificielle où on prétend faire des machines qui parlent comme les hommes. Eh bien, pour Kant, le critère, c'est l'émotion esthétique. Si je me trouve avec quelqu'un qui n'aime aucun des films que j'aime, qui n'a jamais connu l'émotion musicale que j'ai pu éprouver à propos de certaines musiques, etc., pour les livres et tout ce que vous voulez, eh bien, j'en conclurai que c'est un martien, ça n'est pas un homme. Ou juste que ce n'est pas mon ami, qu'avec lui je ne peux rien partager. Pourquoi l'exclure du champ de l'humanité? On peut juste dire « il a mauvais goût », c'est ce que disait Kant dans le texte, c'est le premier réflexe, on dit « chacun ses goûts, lui il a mauvais goût ». Ah, je crois que c'est plus grave que ça, non? Je crois qu'il y a plus de, c'est-à-dire que je pense que le sentiment esthétique est le fondement de la communicabilité entre les hommes. C'est ce que dit Kant, et, oui. Et qu'il y a un projet social. Kant a l'expression extraordinaire, il parle d'un contrat originaire. Un contrat originaire. L'événement qui nous met en société et fait des hommes des individus qui s'interrogent les uns les autres sur ce qu'ils ont en commun, sur quoi pourraient-ils s'interroger d'autres, eh bien, c'est l'événement esthétique. C'est l'événement esthétique, c'est le sentiment partagé de la beauté qui est le premier lien de l'amitié entre les hommes et qui fonde une société, parce que le besoin peut fonder une relation commerciale transitoire, mais ça n'a rien à voir avec une société. Là, il y a vraiment un besoin de l'autre, un besoin d'être ensemble. Et ceci fonde une société esthétique. Et par conséquent, je pense que si je trouve un automate qui est semblable à nous, un androïde, mais qui demeure toujours et totalement étranger au sentiment esthétique, j'en conclurai non qu'il n'est pas humain. Je dis humain, c'est-à-dire à la fois raisonnable et sensible. Il y a trois sociétés chez Kant possibles, mais il n'y en a qu'une seule qui est vraiment humaine, qui est à la dimension humaine. Il y a la société des saints, la communion des saints, c'est-à-dire le règne des fins, la république des libertés, c'est-à-dire tous ceux qui agissent selon la loi morale se savent membres d'une même cité, d'une même église invisible, comme il dit dans la religion dans la limite de la simple raison. Il y a aussi une autre société. Donc cette société, la communion des saints, elle est évidemment magnifique, mais elle est pratiquement plus qu'humaine. Elle n'est pas humaine, elle est surhumaine. Il y a une autre société, c'est la société de l'intelligence. Lorsque les scientifiques se rassemblent dans un congrès, ils sont tous d'accord pour accepter les équations fondamentales de la dynamique, par exemple, ce qui crée, ils peuvent parler ensemble. Il n'y a bien que des hommes pour pouvoir comprendre ces équations. C'est une société logique ou savante. Et cette société logique est une société d'entendement, mais qui ne fait pas intervenir la sensibilité. Elle implique l'imagination, peut-être, mais pas certainement. L'imagination est une faculté mathématique fondamentale, mais pas la sensibilité. Dans la communauté esthétique, c'est l'homme tout entier. L'homme comme humain, non pas autant qu'il se dépasse vers le surhumain, vers le suprasensible, comme dit Kant, mais c'est l'homme tout entier, c'est-à-dire à la fois intelligent et sensible qui est questionné. Et par conséquent, c'est bien mon humanité qui est en jeu, au sens de sa finitude et non pas de sa plus haute destination morale. Pourquoi alors, si ce jugement esthétique est le fondement d'une communauté humaine digne de ce nom, ne pouvons-nous pas disputer des goûts? Si nous sommes tous d'accord, s'il y a une universalité de ce jugement de goût, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal? On ne peut pas convaincre quelqu'un de trouver une chose belle. On va un peu vite, là. Je suis pas sûr qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un. Je rends grâce à des amis de m'avoir fait découvrir des musiques, par exemple, en me rendant attentif aux détails singuliers, parce que c'est là qu'est la difficulté, pour faire comprendre cette connaissance esthétique. Vous savez qu'on écrit depuis Claudel connaissance. Il s'agit de naître avec un événement, de renaître à l'occasion d'un événement qui vous fait découvrir en vous des facultés insoupçonnées, créatrices, poétiques. Bon, ce jeu de l'imagination et de l'entendement dont parle Kant. Eh bien, il est très difficile de faire partager cette connaissance. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une connaissance du singulier. Et remarquons le bien, c'est ce qui fait un lien entre le sentiment esthétique et ce qu'on appelle l'amour. Je crois que l'amour, c'est toujours aussi une connaissance du singulier. Vous avez remarqué que les hommes qui aiment l'humanité en général ne supportent pas leurs voisins et sont souvent des gens odieux, et que savoir écouter quelqu'un, savoir entretenir avec lui une interférence amicale, pour ainsi dire, c'est une chose beaucoup plus rare. Et dans l'amour, cela se fait par le... ce qu'on aime dans l'amour, c'est pas l'homme en général, c'est une personne absolument singulière, son battement de paupières, sa façon de marcher, sa façon de parler, son regard. Bon, ce sont des choses uniques et chaque fois uniques. Eh bien, toute émotion esthétique est fondée sur un point de regard ou un accident de l'expérience, une rencontre, une surprise qui est unique et singulière. Or, il n'y a pas de connaissance du singulier, puisque tout concept est général. Par conséquent, dès que j'essaie de conceptualiser cette singularité, je la fadis, pour ainsi dire. Mais on peut quand même me dire, fais attention, là, il y a un mouvement voilà, de la musique, entend le corps, entend la flûte. C'est la distinction entre discuter et disputer, j'en reviens à ça. Parce que Discuter, c'est partir du principe que c'est à l'aide d'arguments que je vais démontrer la beauté de cette musique. Discuter, au contraire, c'est dire, bah non, il n'y a pas de concept a priori du beau, je ne peux pas vous dire pourquoi cette musique est plus belle qu'une autre. En revanche, je vous invite à l'écouter, faites-en l'expérience et parlons-en ensuite. Bien sûr. Et dans cette opposition, Kant pense à la dispute scolastique, alors qu'il était une dispute conceptuelle. Oui, parce que, alors, effectivement, on ne peut pas en discuter dans la mesure où je ne peux pas convaincre mon interlocuteur réticent à admettre une beauté qu'il se refuse à reconnaître. Je ne peux pas le convaincre, je peux l'inciter, je peux lui l'orienter vers cette reconnaissance. Et je ne peux pas le convaincre parce qu'il n'y a pas de concept. Et il n'y a pas de concept. Ça, c'est très important. Alors, pour Kant, le beau n'a pas de concept. Oui. Allons-y sur sans concept. Alors, est-ce que vous voulez nous le définir ou je vous propose qu'on ouvre la critique de la faculté de juger. On va lire le paragraphe 5 et le début du paragraphe 6 parce qu'on va y voir la définition que Kant propose du beau et vous aurez ensuite 40 minutes pour nous l'expliquer. Jacques Dervila. L'agréable, le beau, le bon désignent trois relations différentes des représentations aux sentiments de plaisir et de peine. L'agréable signifie pour chacun ce qui lui fait plaisir. Le beau, ce qui simplement lui plaît. Le bon, ce qu'il estime, ce qu'il approuve, c'est-à-dire ce à quoi il attribue une valeur objective. On peut dire que parmi ces trois espèces de satisfaction, celle que le goût prend au beau est seule une satisfaction désintéressée et libre, car aucun intérêt, ni celui des sens, ni celui de la raison, ne contraint à donner notre assentiment. D'où cette définition, le beau est ce qui est représenté sans concept comme objet d'une satisfaction universelle. Voici la définition du beau par Emmanuel Kant sur France Culture, les chemins de la philosophie. Ça a l'air de rien cette phrase. Le beau est ce qui est représenté sans concept comme objet d'une satisfaction universelle. Et pourtant, il faut imaginer les générations d'étudiants qui se sont acharnés pour comprendre cette phrase. Jacques Dervila, vous les avez vus sous vos yeux sans doute. Oui, ce n'est pas le premier moment de la définition du beau dans l'analytique. Il y a une petite chose qu'il faut quand même remarquer parce qu'elle est intéressante. Dans les analytiques, puisque les trois critiques suivent un plan assez semblable, de la raison pure, de la raison pratique et de la faculté de juger, on commence toujours par la quantité. Dans le cas de la raison pratique, comme pour la raison pure. Dans la critique de la faculté de juger, on commence par la qualité. Et la qualité a ceci de particulier qu'elle définit une singularité, justement, alors qu'une quantité peut toujours être mesurée par une unité universelle. Et le fait que la qualité soit première, et la qualité du jugement esthétique, c'est qu'il est sans intérêt, c'est qu'il est détaché. Au sens de désintéressé, oui. Il est désintéressé, oui, rien n'est plus intéressant que ce désintéressement, bien sûr. Mais il ne veut pas s'approprier l'objet pour le consommer. Il se contente de du pur apparaître phénoménal. C'est en ce sens qu'il est désintéressé. Et le second moment, donc celui de la quantité, il plaît universellement son concept. Alors, se plaît universellement, tout est mystérieux ici, en fait. Ce sont des, on est dans une pensée qui explore ses propres limites. C'est le propre d'un génie, je crois. C'est d'aller toujours, non seulement il pense très loin, mais il pense toujours à la limite de sa pensée. Et ici, on est vraiment à la limite de toute connaissance possible, puisque les catégories, en fait, ça marche pas très bien. On a un objet inconceptualisable. Et on ne peut en parler autrement qu'en lui appliquant les quatre catégories de la quantité, de la qualité, de la modalité, de la relation, ce qu'il va faire dans l'analytique. Mais ça va jamais marcher. On va chaque fois aboutir à des concepts bancals. Par exemple, ici on parle d'universalité, mais c'est une universalité sans concept. Et on ne comprend pas très bien ce que ça peut vouloir dire, puisque seul le concept ouvre la connaissance au général, et que seule la raison, qui est législative, qui énonce des lois. Le propre d'une loi, c'est de valoir universellement. Autrement, elle n'est plus une loi, elle n'est qu'une règle. Donc, c'est toujours du côté de l'autonomie de la pensée, de l'esprit dans sa souveraineté la plus affirmée, que se trouve l'universel. Et bien sûr, le triomphe de l'universel, c'est dans la moralité. Alors, que vient faire l'universel dans une expérience dont on nous dit qu'elle est esthétique, ce qui veut dire, c'est le sens du mot grec aisthésis, qu'elle est sensible, et que je viens de dire qu'elle est au contraire enracinée dans le singulier. D'autant que universel lui-même est un concept. C'est une catégorie. Alors, c'est la troisième catégorie de la quantité. C'est une catégorie, mais justement, il n'y a pas de catégorie pour arriver à enfermer le mot. Il s'échappe toujours. Vous voyez, c'est une finalité, oui, mais sans fin. C'est une universalité, mais sans concept. Ce sont toujours des formes boiteuses de la pensée. Ouais. Et c'est par défaut, pour ainsi dire, qu'on utilise la table des catégories, parce que nous sommes humains et que notre intelligence n'a pas d'autres formes conceptuelles. La table des catégories, c'est ce dont Kant s'est servi pour établir la connaissance de la critique de la raison pure, la morale de la critique de la raison pratique. Il la tient d'Aristote, hein. C'est vraiment le canon de base pour établir la connaissance. Et là, il en mesure les limites. C'est ce que vous dites quand il parle d'esthétique. Absolument. Absolument. Mais nous n'avons rien d'autre à notre disposition. C'est, si vous voulez, la structure de la pensée humaine. Et c'est ainsi que nous construisons des objets. Parce que il y a le mot objet dans cette définition. Oui. Et il est très paradoxal, parce qu'en fait, le mot n'est jamais objectif. Il est toujours subjectif. C'est par une sorte de projection, une illusion que nous croyons que la statue est belle pour Kant, ou que l'objet même est beau. L'objet esthétique, nous dit Kant, il est réfléchissant. C'est comme un miroir. Il nous fait voir quelque chose de nous-mêmes. Mais ce quelque chose de nous-mêmes, c'est pas vraiment nous-mêmes. Vous voyez à quel point tout est compliqué, puisque c'est quelque chose en nous qui est universel, mais qui pourtant est absolument nous-mêmes, le plus intime de nous-mêmes. Et c'est ce qu'il appelle la force vitale. Il emploie parfois l'élan. On pense effectivement à Bergson, l'élan vital. Eh bien, c'est ce mouvement créateur en nous de la vie, cette production de la vie que nous éprouvons en nous, que nous réfléchissons sur l'objet esthétique. Si bien que l'objet n'est qu'un mirage, en vérité. Ou un miroir? Il est un miroir. C'est-à-dire que la beauté que nous constatons dans un objet, que nous contemplons, est en réalité la nôtre? Elle est l'insurrection de la vie au plus intime de nous-mêmes. Et en ce sens, elle est ce qu'il y a de plus grave, effectivement. Mais elle est en nous, bien sûr, elle est subjective. Elle est en vous comme en moi. C'est pourquoi nous nous entendons quand nous parlons justement de la vie qui nous soulève en commun et qui soulève également tous les vivants. Du moins tous les vivants capables de représentation, c'est-à-dire comme les hommes qui sont à la fois intelligents et sensibles. Mais cet objet, il est subjectif. Il faudrait le définir mieux que ça, d'ailleurs. Parce que comment, qu'est-ce qui se passe en nous lorsque nous nous sentons vivants? Hélas, ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand ça arrive, par exemple, lorsque nous sommes émus par une beauté, eh bien, ce qui se passe pour Kant, c'est que voilà, nous ressentons la vie en nous, nous ressentons un sentiment qu'il compare d'ailleurs à la santé, ça nous donne envie de rire, dit-il. La musique, ça fait rire, c'est un soulagement vital. Parce que nous savons que nous sommes vivants. Vous savez que Schiller, dans la lettre sur l'éducation esthétique, qui se réclame beaucoup de la troisième critique, même s'il en déforme le sens, dit que le beau, c'est un peu comme un cheval qui s'ébroue dans un pré, un jeune poulain qui s'ébroue pour le plaisir de sauter, de s'éprouver vivant. Sauf que nous, parce que nous sommes raisonnables et sensibles, c'est pas seulement cette espèce d'euphorie physique, c'est une euphorie intellectuelle. C'est-à-dire que le beau, qu'est-ce que c'est? Le beau, c'est une amorce, c'est un appât. Vous savez, c'est ce que dit Breton dans L'amour fou. Faire sortir à volonté la bête aux yeux de prodige, c'est toute la question des appâts. C'est un appât, c'est une amorce, c'est-à-dire c'est une rencontre d'une singularité sensible unique. Unique, ici et maintenant. Ça n'arrivera plus jamais. Bien, il y en aura d'autres, il faut l'espérer, mais celle-là n'arrivera plus jamais. Et qui provoque en vous quelque chose, c'est une sorte de détonateur. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une activité poétique qui est intérieure, des facultés qui sont dynamiques et créatrices en nous. Quelles sont-elles? C'est l'imagination. L'imagination, parce que elle se contente pas de l'abstraction de la pensée, elle veut la faire apparaître, elle phénoménalise la pensée, elle la dessine dans l'espace et le temps. Elle est indispensable à la connaissance, hein, nous dit Kant, l'imagination. Elle est indispensable à la connaissance, mais dans la connaissance. Dans la connaissance, dans la théorie de la connaissance telle qu'elle est exposée dans la critique de la raison pure, le jugement de connaissance est un jugement déterminant. C'est-à-dire, c'est un jugement qui construit son objet. Il détermine un objet. Il faut bien comprendre, c'est étrange qu'il y ait des objets. Par exemple, nous parlons ensemble, mais en fait, ma voix, je suppose, ne vient pas de ma bouche. Elle est au fond de votre oreille, elle vibre dans votre cerveau. Cette salle est au fond du cortex visuel qui est dans notre nuque. C'est nous qui projetons le monde comme un non-moi, parce que nous voulons inversement. Et ça, c'est très kantien, c'est au fondement du kantisme, et ce sera le postulat fondamental de Fichte. Je pose l'objet dans le monde pour me poser moi-même comme un non-monde, car je suis une volonté, je suis un vivant, j'ai une destination morale, je ne suis pas une chose. Donc c'est moi qui définis la chose, comme objet, ce qui veut dire exactement, et en allemand c'est Gegenstand, c'est comme en français, objet, ça veut dire jeter devant soi. Bon, je construis un objet, mais dans le sentiment esthétique, je ne construis pas un objet, puisque c'est en moi. La vie, je ne la poserai jamais comme un objet. C'est bien pourquoi d'ailleurs... il n'y aura jamais de science du vivant. Au fur et à mesure, c'est ce qu'il dira dans la seconde partie de la troisième critique, au fur et à mesure qu'on connaît la vie, on la transforme en un objet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Cet objet, on dit qu'il ressemble à un ordinateur. Il y a un programme ADN. C'est assez étrange de dire que la vie est un ordinateur, parce que tout le monde est d'accord pour dire immédiatement qu'un ordinateur n'est pas vivant. La vie n'est pas objectivable. Elle est un élan intérieur que nous ressentons. Mais nous pouvons la ressentir quand les facultés vivantes de l'esprit, quand l'esprit vit en nous. Et il vit en nous quand, d'une part, l'imagination produit des représentations, et d'autre part, l'entendement les fait varier. Et je voudrais dire, préciser autre chose. Dans le jugement de connaissance, où il s'agit de construire un objet, l'imagination est liée. Elle est esclave, elle est asservie. C'est l'entendement par ces catégories qui dessine la loi et qui s'efforce de la représenter. Par exemple, dans une équation du second degré, peut être représentée sur un plan à deux dimensions par une parabole. C'est l'imagination qui produit cela, et l'imagination est une faculté absolument essentielle en mathématiques, contrairement à ce qu'on croit souvent, on en fait une science abstraite qui n'aurait rien à voir avec l'imagination. Mais c'est une imagination qui est aux ordres de l'entendement. Dans le jugement esthétique, c'est l'inverse. L'imagination est libre, elle joue, comme le poulain dont j'ai parlé tout à l'heure qui sautait dans son pré, et c'est l'entendement qui est à la traîne de cette espèce de rêverie, de métamorphose, de fusion de formes en perpétuel mouvement, si vous voulez. Et l'entendement cherche la règle, il cherche à comprendre, et il fait varier ses formes, comme un dessinateur qui fait des esquisses, qui cherche le trait de crayon avant de trouver le trait juste, ou comme ses pages de Watteau, ces dessins merveilleux de Watteau, qu'on appelle les dessins aux trois crayons, il y a la sanguine, il y a le fuseau noir et il y a la craie blanche, où vous avez une main, une jambe, enfin divers aperçus d'un même modèle, saisis dans un même instant. Deux questions que je voudrais poser à Kant, et je voulais poser à vous, Jacques Derrida. Est-ce que ce qu'il dit de cette vitalité, même s'il n'emploie pas le terme, mais c'est ce qui ressort de ce que vous dites. Force vitale. Le jaillissement de la force vitale. Qui survient au moment où nous faisons l'expérience de la beauté, arrive aussi lorsque nous sommes face à une œuvre d'art, parce que Kant parle du beau naturel, d'où le jaillissement d'une force vitale. Que se passe-t-il lorsque c'est devant un tableau ou une musique qui est le produit d'un esprit humain? Et deuxièmement, quelle place fait-il à cette mélancolie, voire cette douleur qui parfois survient quand nous assistons à quelque chose de beau? On n'est pas forcément comme un cheval en train de galoper dans un champ. La beauté parfois est douloureuse, et je ne parle pas du sublime qu'il aborde également. Mais une chose très belle que l'on écoute ou que l'on voit peut produire une forme de mélancolie ou de pincement au cœur. C'est tellement extraordinaire les renversements qu'opère Kant que on demeure un peu désarmé, puisque effectivement, quand nous pensons à la beauté, nous pensons toujours aux œuvres d'art. Or, il y a une sorte de postulat de l'esthétique ancienne, c'est que la nature est toujours plus belle que l'art, ce qui paraît étrange. On peut se demander pourquoi. Eh bien, la raison est la suivante. C'est que devant une œuvre d'art, vous pouvez toujours vous demander ce que l'artiste a voulu dire. Vous savez, les étudiants dans leurs copies revenaient de façon lassante sur cette idée. Ils parlaient du message de l'artiste. L'expression est accablante. Vous parlez au passé. Donne envie de tourner la page. Plus. Oui. Kant a le sentiment très fort que le beau n'a rien à dire. Il le dit textuellement. Il dit ça ne signifie rien. Ça n'a aucun sens. Et vous pouvez toujours vous demander devant un tableau de Rembrandt, vous voyez ce que ça veut dire. Mais quand le soleil se couche sur le Mont Blanc, vous n'allez pas vous demander ce que ça veut dire. La force de la nature, c'est qu'elle ne veut rien dire. Elle est pure présence. Ce qui d'ailleurs vous permet de deviner quelque chose de l'énigme de la beauté, parce que il n'est pas question de la résoudre. Mais la beauté a certainement à voir avec le rayonnement radieux d'une apparition. La beauté, c'est le sujet du verbe apparaître, en fait. Quelque chose apparaît. Et quand cela apparaît dans toute la splendeur de son avènement, c'est ce que j'appelle la beauté. C'est un événement, donc. C'est pas une forme, c'est un événement. C'est une scansion, une pulsation temporelle, si vous voulez. Et là, on est dans Kant. Et c'est ça qui est moderne. C'est une rencontre, c'est la passante de Baudelaire. Voilà, c'est ça la beauté. Dont on ne sait à peine la forme, d'ailleurs. On l'a à peine vue, une seconde, un éclair. Et puis la nuit, comme dit Baudelaire. Si on repart de La Passante, précisément, La Passante est un poème sublime, dont on parlera demain quand on parlera de Baudelaire sans doute, enfin je ne sais pas si on parlera de La Passante, mais on parlera de Baudelaire et de la beauté baudelairienne demain. Un poème fondamental. Qui peut susciter, on peut même si on le trouve beau, une forme de mélancolie. Il y a quelque chose qui arrive à celui qui le lit, qui n'est pas joyeuse, qui n'est pas encore une fois de l'ordre des cabrioles faites dans un champ. Eh bien si, moi je trouve que si. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est peut-être les limites là, du coup universelles, enfin selon Kant. Enfin bon, c'est quand même le thème que les larmes que nous versons à la tragédie sont délicieuses. Vous savez qu'on trouve ça dans les Confessions d'Augustin au début du livre 3. C'est une vieille, on trouve ça chez Platon dans la République. C'est un vieux paradoxe qu'il y a un délice à pleurer. Bien. Et oui, bien sûr, si on pense à la musique, elle est particulièrement apte à nous faire verser des larmes. Mais comment ne pas reconnaître qu'il y a dans cette émotion enfin, les morts ne sont pas émus, si vous voulez. Il y a dans cette émotion une expérience. Enfin, nous sentons que nous sommes vivants dans cet instant. Bien sûr que la mélancolie, il est triste d'être mélancolique. Mais lorsque vous éprouvez violemment le sentiment de la mélancolie par l'invitation de l'œuvre d'art, mais vous n'êtes pas mélancolique, vous en redemandez, vous allez remettre le disque. Vous adorez ça. Parce que justement, vous êtes comme un instrument de musique qui vibre. Et qui se connaît vivant. Exactement. C'est une connaissance de la vie. Et cette connaissance de la vie, elle n'est pas seulement stérile, parce que, c'est tellement, tellement riche, vous comprenez. Tous les sens sont sans arrêt en train de solliciter la pensée chez Kant. Parce qu'on pourrait dire, il dit que pour prendre conscience de la beauté des choses, de la beauté de l'être, il faut prendre un certain recul. Il faut être au monde comme un spectateur. N'y prendre aucun intérêt, comme il dit. Mais ne pas prendre, c'est-à-dire de pas être intéressé à sa possession, ne pas vouloir exploiter une forêt, de pas être intéressé à la forêt pour la voir comme un pur apparaître. Et pourtant, il y a dans ce désintérêt qui me révèle le monde comme le mystère d'un apparaître permanent, eh bien, je découvre un autre intérêt. Un intérêt subjectif, cette fois, et non pas qui porte sur un objet extérieur, puisqu'il n'y a pas d'objet esthétique. L'objet esthétique, c'est le sentiment de la force vitale qui se soulève en moi. Et cette force vitale, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. C'est beaucoup plus intéressant que le fait d'exploiter des forêts. Et par conséquent, il y a ce dégagement, ce détachement du monde qui me rend attentif au pur mystère de l'apparaître. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ? Question qu'on refoule et oublie sans cesse, que me rappelle la beauté, eh bien, en prenant cette situation d'un regard détaché, spectateur, contemplatif, comme le dit Kant, je trouve l'intérêt suprême qui est me mettre à l'écoute du mouvement de la vie qui est en moi. Et ce mouvement de la vie, il n'est pas Il peut être un Alléluia, parce que ce que je dis, vous pensez, je pensais à un Alléluia de Mozart, dans Exultate Jubilate, mais vous pensez à bien des musiques des Alléluia, bien sûr celui de Handel, bon, qui exprime cette joie de vivre. Mais la musique, c'est être attristé, mélancolique, elle est tout aussi violemment vivante dans ces moments. On va prendre un cas particulier, une façon qu'a eu l'histoire de l'art par le truchement de ses artistes, et en l'occurrence d'un poète, de tirer les leçons de l'esthétique kantienne, parce qu'au fond, ce qui est dit dans cette critique de la faculté de juger dont vous nous parlez, Jacques Darulat, vous avez insisté sur le caractère absolument novateur. Oui. Insistons à présent, ou mettons en lumière ce qui suivra, car il crée quelque chose à ce moment-là. Je vous propose qu'on écoute un texte de Baudelaire, le peintre de la vie moderne. On en parlera plus longuement demain, avec un autre invité, avec André Guyot. Mais aujourd'hui, avec vous, écoutons cet extrait-là et vous nous direz en quel sens ce qu'il écrit, alors bien après, puisqu'on est en 1863, peut se lire comme étant le jaillissement, cette fois-ci, de l'esthétique ancienne qui a été mise au point un siècle plus tôt. Il y a dans le monde, et même dans le monde des artistes, des gens qui vont au musée du Louvre, passent rapidement et sans leur accorder un regard devant une foule de tableaux très intéressants, quoique de second ordre, et se plantent, rêveurs, devant un Titien ou un Raphaël, puis sortent satisfaits, plus d'un se disant « Je connais mon musée ». Par bonheur, se présentent de temps en temps des redresseurs de tort, des critiques, des amateurs, des curieux qui affirment que tout n'est pas dans Raphaël, que tout n'est pas dans Racine, que les poètes mineurs ont du bon, du solide et du délicieux. Et enfin que pour tant aimer la beauté générale qui est exprimée par les poètes et les artistes classiques, on n'en a pas moins tort de négliger la beauté particulière, la beauté de circonstance et le trait de mœurs. Le beau est fait d'un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile à déterminer, et d'un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l'on veut, tour à tour ou tout ensemble, l'époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second élément, qui est comme l'enveloppe amusante, titillante, apéritive du divin gâteau, le premier élément serait indigestible, inappréciable, non adapté et non approprié à la nature humaine. Je défie qu'on découvre un échantillon quelconque de beauté qui ne contienne pas ces deux éléments. Avez-vous une définition du beau ? C'est la question qu'on se pose ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie. Kant répond : le beau est ce qui est représenté sans concept comme objet d'une satisfaction universelle. Baudelaire, quant à lui, dans le texte que vous venez d'entendre, lu par Hélène Le Seur, affirme que le beau est fait d'un élément éternel et d'un élément relatif. Ça paraît abstrait comme ça. Jacques Darulat, dites-nous comment cette définition du beau de Baudelaire vient de celle de Kant. Alors, la question est très difficile. Je peux seulement dire, il y a deux parties dans cette définition de Baudelaire dans ce texte admirable, Le peintre de la vie moderne, qui est effectivement vraiment dans la continuité de Kant. C'était dans un recueil intitulé « Curiosité esthétique ». Bien, ce texte reprend donc et est tributaire de Kant en grande partie. L'éternel, quant à l'éternel, ça pose problème. Ce que je veux simplement comprendre, essayons de comprendre simplement la première partie de la définition. Pour moitié le transitoire, le fugitif, le contingent, pour moitié l'éternel, c'est une autre formule de la même... Qu'on trouve un peu plus tard dans le texte. Qu'on trouve quelques lignes un peu plus loin dans le même texte. Ce qui est certain, c'est qu'avant Kant, le beau était l'éternel. C'est-à-dire, c'était un beau classique. Ce beau classique avait été déterminé par concept, il était connu par concept, le nombre d'or, les proportions, le canon des proportions du corps humain. Il avait été défini par les académies depuis la Renaissance italienne, la première étant l'Académie de Florence, fondée par Côme et dont le président était... Vasari. Ces académies italiennes reprenaient le néoplatonisme de la première Renaissance du XVe siècle, en particulier celui de Marcel Ficin, et pensaient qu'il y avait une idée du beau qui pouvait être définie, qu'il y avait des mesures, qu'il y avait des lois à connaître, et que par conséquent, il appartenait aux académies d'énoncer les règles de la beauté. À partir de Kant, le beau n'est plus connu, n'est plus connaissable par concept, s'il ne peut pas être objectivé puisqu'il est une le sentiment d'une émotion purement intérieure, du jeu créateur des facultés, eh bien, s'il ne plaît plus par concept, on ne peut pas non plus l'enseigner. Il n'y a plus de canon, il n'y a plus de proportion, il n'y a plus de définition de l'harmonie. Ce mot d'harmonie ne veut rien dire. Et seul le sixième sens de la sensibilité esthétique doit juger. Et par conséquent, le beau n'étant plus un objet, n'est plus effectivement n'a plus de stabilité. Il est un aperçu, il est une rencontre. Un jeu de l'amour et du hasard, de la sensibilité, de l'imagination et de l'entendement, selon les sollicitations de la rencontre. Il n'a plus de forme stable. Si bien qu'on entre dans un art, on voit très bien au XVIIIe siècle, par exemple, le dessin. Le dessin devient un art qui, auparavant, au XVIIe, le dessin, ce sont des études préparatoires pour des fresques ou des œuvres qui sont commandées et pour que le commanditaire puisse avoir une idée de l'œuvre. Au XVIIIe siècle, le dessin devient un art à part entière. Et non seulement le dessin, mais l'esquisse. Ce qu'on cherche, c'est le premier sentiment, c'est le moment, les quelques traits qui font apparaître la chose dans l'étonnement du premier coup d'œil, si vous voulez. Voyez la façon dont on peint Fragonard aussi, par touches de plus en plus dispersées, par le feu du génie, comme on disait à l'époque. Et il y a toute une théorie qui est fondamentale et qui est très liée à ce que nous sommes en train de dire, du génie chez Kant. Donc le beau perd sa forme, pour ainsi dire. Il se dissout dans un jeu de métamorphose, dans un informe qui est tel qu'il ne peut plus être défini de façon intemporelle, selon des formes classiques que l'on donnerait en imitation aux élèves dans les académies. Non, il faut aller en plein air, et il faut regarder comme le personnage à qui est dédié le peintre de la vie moderne de Baudelaire, qui est le dessinateur Constantin Guy, eh bien, il va partout, il se promène dans Paris, il prend des croquis sur le vif, rapide. Il essaie de saisir l'instant, puisque si la rencontre, si la beauté est le motif d'une rencontre, c'est un motif. L'académie proposait un modèle à l'imitation du beau. L'esthétique cherche le motif qui déclenche le jeu poétique et créateur de la beauté. Eh bien, voilà, il erre. Donc, il n'y a plus de beau. C'est le fugitif, le transitoire, le contingent, l'instant unique, l'ici et maintenant de la rencontre. Ce que veut nous dire Kant en disant, oui, effectivement, c'est pas un jugement de connaissance, puisque c'est une universalité étrange, purement subjective. Toutes les roses sont belles, ça n'est pas un jugement esthétique. Mais la rose que je vois ici et maintenant, ça, c'est un jugement esthétique. Cette rose, ici et maintenant, c'est-à-dire que le changement de l'éclairage va me faire voir autre chose. Donc c'est un absolu sensible dans l'instant. On pense à la série des Monet, du même objet. Mais ça, c'est vraiment la définition de la modernité, là, cette définition du beau. Et d'ailleurs, on trouve le texte dans Le peintre de la vie moderne. Ce transitoire, ce contingent, ce qui s'échappe, ce qui n'est pas du côté que uniquement de l'éternel, c'est aussi ce que Baudelaire appelle la modernité. Absolument. Ce qui revient à dire que l'invention de la modernité, c'est Kant. C'est la troisième critique de Kant. Et n'est pas sans lien avec la beauté. C'est que l'histoire de la beauté dit quelque chose de l'histoire de l'avènement de la modernité. Oui. Mais alors, Kant est tellement génial, quand même, qu'il écrit ça en 1790. Il n'y a pratiquement rien pour répondre à cet art. Peut-être que c'est la musique de Mozart qui est le plus proche de ça. Alors, j'ai parlé de Watteau, c'est le début du 18e. Fragonard, il y a plusieurs styles de Fragonard. Selon qui peint pour l'académie ou pour des amateurs. Mais cet art que je dirais impressionniste, en fait. D'ailleurs, les impressionnistes vont se tourner vers Fragonard. Mais il n'existe pas encore. Ce qui explique le relatif analphabétisme de Kant en art. Il ne connaît rien en art, il est lamentable. Quand il se met à citer une œuvre d'art, il fait... poèmes en prose de Frédéric II. Alors, d'abord, il cite des œuvres complètement tartes, ou bien il se trompe, comme à un moment, il parle de cette œuvre qui rassemble tous les sages de l'Antiquité, dont des philosophes stoïciens, et qui est du Corrège, je crois. C'est un tableau, c'est pas un tableau, c'est une fresque. C'est pas le Corrège chez Raphaël, et c'est pas les stoïciens, c'est tous les philosophes de l'Antiquité dans l'école d'Athènes. En plus, c'est une œuvre qui était tellement célèbre à l'époque que la méconnaître à ce point-là montre le désintérêt total de Kant pour l'art. Mais c'est qu'il parle d'un art à venir, en fait, et qu'il devine de façon... quand même de l'art. J'ai dit qu'il parlait beaucoup de la nature, mais il parle quand même de l'art dans ce texte. Mais il dit que l'art est grand quand il arrive à reproduire cette innocence de la création naturelle. Parce que c'est quand même surprenant, ça, quand on lit les exemples de beauté naturelle qu'il donne, on trouve les crustacés et les arabesques. Ah oui, mais je trouve magnifiques ces exemples. Alors, j'ai beaucoup rêvé sur ces exemples. D'abord, on trouve des animaux étranges. Il y a le colibri, le perroquet et l'oiseau de paradis. Et des coquillages aussi. Je pense que ça se réfère à des récits. Vous savez, Kant n'a pratiquement jamais quitté Königsberg, mais il a dû beaucoup rêver en lisant. Et il lisait beaucoup, et des récits de voyage. Il y a un exotisme qui se crée au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la rêverie d'une terre vierge dont Tahiti est déjà c'est déjà la star du Club Med dès le XVIIIe siècle, dès le moment où Bougainville publie son voyage autour du monde. Il raconte la découverte de Tahiti. Et Tahiti, c'est un retour à la nature. D'abord, la sexualité s'y exprime dans une harmonie libre et merveilleuse. Le sable est blanc, la mer est bleue, etc. Bon. Donc il y a comme si les hommes... accablés par l'excès de civilisation, avaient besoin de se rafraîchir à un monde neuf que l'écriture, que le concept n'avait pas encore entamé. Donc, je pense qu'il y a la rêverie d'une sorte de paradis terrestre dans les objets de la troisième critique. Vous parlez des objets de la nature. Et il faudrait... tel qu'on le voit dans les récits de voyage de l'époque. Quant au poème qu'il cite, il faut bien dire c'est un désastre. Évidemment, est-ce qu'on peut pas, on peut difficilement reprocher à Kant de pas avoir lu Baudelaire. C'est-à-dire que la poésie ou même la musique qu'il rêve, ça, on l'entend. Oui, il y avait des poètes talentueux à l'époque quand même. Vous parlez comme s'il n'y avait pas d'artiste digne de ce nom avant la critique de la faculté de juger. Ou contemporain de Kant. Il y a des grands artistes, ce sont des artistes classiques, mais ils sont pas modernes. C'est ça. Les grands impressionnistes du XVIIIe siècle, ça... je crois les avoir cités les deux seuls, c'est Watteau et Fragonard. Mais ça, comment vous expliquez qu'un texte philosophique exigeant, on ne peut pas dire que c'est un texte qui puisse être lu par tout le monde, ait une telle influence dans le milieu artistique qui lui a succédé dans les années qui ont suivi? Est-ce que ça veut dire que les peintres que vous citez ont lu Kant? Baudelaire n'a pas lu la critique de la faculté de juger. Écoutez, bien sûr, donc il l'a pas lu. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est quoi? Kant a eu cette espèce d'antenne qui lui a fait prédire l'avenir? Ah ça, des antennes, il en avait certainement, oui. Comme les écrevisses qu'il aimait. On a dit Baudelaire, mais Diderot déjà. Diderot réagit devant le tableau de façon extraordinairement esthétique. On trouve pas le mot esthétique chez Diderot. Mais dans les salons, il se compare lui-même à un homme clavecin qui vibre à la sollicitation sensible. Bien, tout le 18e rêve, d'ailleurs, autour de cette première rencontre saisissante, qui saisit l'objet, et cet objet saisit le sujet qui le saisit. Mais, il y a là quelque chose d'assez extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est une œuvre unique dans l'histoire de la philosophie. Effectivement, Kant ouvre un espace esthétique qui va être exploré par l'art dans les décennies qui vont suivre. Et j'ajouterais que c'est d'autant plus génial que il y a quand même un très très grand penseur de l'art, lui, alors. Et qui met l'art bien au-dessus de la nature, à l'inverse de Kant. Après Kant, c'est Hegel. C'est Hegel. Et les leçons qu'on dit malheureusement d'esthétique, c'est l'élève qui a publié les cours de Hegel qui appelle ça des leçons d'esthétique, c'est de la philosophie de l'art, c'est pas du tout de l'esthétique. Et Hegel déteste l'esthétique, parce que l'esthétique, précisément, c'est le refus du concept, ou du moins, c'est la dénonciation de l'incertitude du concept quant à saisir cette chose fuyante qu'on appelle la beauté, et qui ne peut jamais être objectivée, puisqu'elle est essentiellement subjective. Et Hegel ouvre son cours par une longue critique de l'esthétique. Et Hegel est un homme de son temps, c'est-à-dire qu'il pense que la beauté dans l'art, c'est l'art néoclassique. Et l'art néoclassique, c'est... Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la crise de la beauté académique, telle qu'elle avait été définie précisément par le néoplatonisme italien de Ficin, de Pic de la Mirandole, de la fin du XVe siècle, et qui était passé dans les académies italiennes, qui ensuite s'était répandu dans toute l'Europe. Et c'est ainsi qu'on apprenait à peindre, à dessiner, à sculpter. Donc Hegel se situe dans cette tradition. Il pense que le beau peut être défini par concept. D'ailleurs, il définit la beauté de façon purement a priori, en une analyse absolument splendide, d'ailleurs, mais qui est une analyse du passé. Et en même temps, Hegel est aussi un grand savant. C'est très rare, un philosophe qui connaît un peu de l'art. Les philosophes ont souvent l'habitude détestable de parler de l'art sans rien y connaître. Hegel a vraiment fait l'effort de penser l'histoire de l'art. Il dit des choses souvent très remarquables. Et pourquoi? Parce qu'il dispose de tout l'art du passé. Il commence avec l'Égypte. Oui, et finalement conclut en affirmant que l'art est désormais chose du passé. pas... Ah, c'est un grand problème. Il dit pas que l'art, il dit que l'art romantique est fini. C'est-à-dire que ce que Hegel a compris, et il a raison, ce que Hegel a compris, c'est que l'art n'est plus le lieu de la révélation de l'absolu. Et que maintenant, l'art, qu'est-ce qui reste s'il n'est pas le lieu de la révélation de l'absolu? Eh bien justement, le transitoire, le fugitif et le contingent. Et on revient à Baudelaire. Ce qu'il admire dans la peinture hollandaise, Hegel, parce qu'il est assez intelligent pour aimer ce qui va contre sa propre pensée. Alors laissons Hegel où il est, revenons à Kant, Baudelaire, surtout Kant, parce que Baudelaire, encore une fois, on y reviendra demain. Un dernier point qu'il nous faut aborder ensemble, Jacques Derrida, qui n'est pas évident quand on lit ce texte, même quand on vous entend en parler, c'est que dans l'expression même, et je crois que vous l'avez employée, dont se saisit Kant, qui est celle d'un sens commun. Hein, il dit bien en paragraphe 40 de la critique de la faculté de juger, il dit sous l'expression de sensus communis, bon, il le dit en latin, on doit comprendre l'idée d'un sens commun à tous, c'est-à-dire d'une faculté de juger qui, dans sa réflexion, tient compte du mode de représentation de tout autre homme, afin de rattacher, pour ainsi dire, son jugement à la raison humaine tout entière. C'est ce que vous avez commenté en début d'émission, avec oui. cette communauté que crée le jugement esthétique. Il y a une lecture politique que l'on peut faire à partir de là, ce sens commun, cette chose qui nous relie, vous parlez bien de communauté, le sens lui-même a une dimension politique. Et c'est une lecture que Hannah Arendt proposera plus tard de cette troisième critique. Est-ce qu'il faut l'entendre de manière à identifier l'esthétique comme étant le fondement, l'origine même de la politique? Alors je ne pense pas du tout, non. Du moins chez Kant, je rêverais d'une politique qui serait esthétique. Nous en sommes sans doute bien loin aujourd'hui, et je ne connais pas beaucoup de républiques qui ont pu se fonder sur le partage délectable de l'émotion esthétique. Non, chez Kant, il n'y a qu'une seule... c'est un homme assez rude, Kant, vous savez. Il n'y a qu'une seule cité possible, c'est celle du droit. Et c'est le droit qui est fondateur de la République, et le droit est fondé sur la loi du talion, c'est-à-dire violence contre violence, puisque les hommes, par amour propre, par vanité, sont hostiles les uns aux autres. Il faut donc redresser cette hostilité par une violence contraire, c'est la tâche du droit. L'esthétique ne fait rien à cela. Alors, c'est le sens commun plus que l'esthétique. Le sens commun dont l'esthétique est le lieu de la révélation, d'apparition. C'est ça que dit Arendt. Elle dit finalement le sens commun. Oui, mais avec ce sens commun, Kant signale qu'il y a une sorte de capacité mentale qui nous dispose à rentrer dans une communauté. Oui, mais ce n'est pas une communauté politique. Il définit la communauté. C'est une communauté, c'est un peu d'ailleurs la faiblesse. J'allais dire mondaine, non, parce que ça serait... il parle beaucoup. Vous savez, Kant est un homme qui recevait des convives toutes les semaines. Il fallait en avoir plus de 3, le nombre des grâces, mais moins que 9, le nombre des muses. Il avait des tas d'idées plus ou moins baroques là-dessus. Je pense que c'était un homme qui avait pas mal de conversations et qui jouissait de cette amitié mondaine, de cette art de la politesse qui n'est pas du tout quelque chose de guindé, mais qui est une véritable générosité, c'est-à-dire une capacité à écouter les autres. Bien, cela dit, il ne faut pas s'y laisser prendre, et le lien se dénoue très facilement. Bon. Il vous donne au moins l'illusion pendant un certain temps d'une très étroite proximité. Et ça va avec le repas, d'ailleurs. Le vin accompagne la conversation, il y a un art de la conversation. Le XVIIIe siècle, avec les salons, a élevé l'art de la conversation à un niveau très haut. Donc c'est une société domestique, je dirais, autour du repas, qui rassemble des amis choisis. Mais il n'y a rien de politique là-dedans. La politique, c'est hélas quelque chose de beaucoup plus violent. Qui nous fait comprendre ce que c'est qu'une amitié. En fait, c'est la clé de l'amitié. Et c'est beaucoup plus que la politesse, en ce sens, puisque la politesse peut avoir un sens purement formel. C'est vraiment ce par quoi nous communions dans notre égale humanité en tant qu'être sensible et rationnel. Et qu'est-ce que c'est qu'un ami, au fond? C'est quelqu'un avec qui on aime à parler. Pourquoi? Parce que ça marche bien. Ça jaillit, les réparties jaillissent, c'est marrant. On trouve des mots drôles. Le langage fonctionne. Le langage fonctionne parce qu'il y a interférence entre les deux esprits qui s'entendent l'un l'autre, pour ainsi dire. Or, le partage esthétique ou la société amicale fondée sur le sentiment esthétique est une société créatrice, puisque qu'est-ce que fait la beauté? elle éveille mon génie, comme dit Kant. C'est-à-dire, elle met en branle ce jeu de l'imagination et de l'entendement qui est spirituel, qui est intelligent, qui brode ses arabesques. Voilà un mot qui me semble tout à fait capital, que Kant n'utilise pas, mais qui était au cœur de son esthétique, qui brode ses arabesques autour de... Il parle d'arabesques quand il cite, quand il donne pour exemple il dit des ce qu'il aime dans le... Je ne sais pas s'il cite arabesque, peut-être rinceau. Mais le mot arabesque, vous le retrouverez ensuite. Bon, dans l'art, les contes du grotesque et de l'arabesque, par exemple. On aura compris votre désaccord avec la lecture d'Anna Arendt qu'elle propose la critique de la faculté de juger. Je renvoie chaque auditeur à ce texte pour se faire son propre avis. On se quitte avec Louis Chédid. Il y a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes, pauvre beefsteak. La petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Y a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sous le bitume. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh, oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, oh, oh, oh, oh, oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Y'en a qui dégainent leurs pétards pour une poignée de dollars. Y'a des bombas et des bombages qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB, y'a la CIA, le gros Idi Amin Dada, oh. Du sang à la une des gazettes, pauvre planète, oh. T'as beau pas être beau, oh. Un grand merci Jacques Darula d'être venu nous éclairer, enfin nous apporter vos lumières sur ce texte de Kant si difficile à lire. C'est un plaisir. Je renvoie les auditeurs à votre site internet jdarula.net où on trouvera des trésors de cours, de réflexions sur Kant mais aussi sur beaucoup d'autres auteurs. Et puis on peut aller vous écouter au Mardi de la Philo, tous les mardis, comme le nom l'indique, sur Lacan en ce moment. Oui, il ne reste plus qu'une conférence. Bon, alors la semaine prochaine, on verra si vous rencontrerez des auditeurs sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour votre journal de la philo, vous nous parlez des textes de Simone Veil, oui, avec un W. Avec un W, la philosophe. Les éditions La Tempête ont réuni dans une très jolie édition tout un ensemble de textes de la philosophe Simone Veil. Donc le titre qui les rassemble est « Force et malheur », deux concepts clés chez elle et qui sont les facettes d'une même pièce. D'un côté, la force qui cause le malheur et de l'autre, le malheur causé par la force. Loin d'être des concepts abstraits, Simone Veil en a fait l'expérience à travers la guerre, bien sûr, c'est la Seconde Guerre mondiale dans laquelle elle s'est engagée aux côtés de la France libre du général de Gaulle. Mais avant cela, dans les années 30, entre son agrégation de philosophie et avant sa révélation divine, à travers l'expérience ouvrière dans une usine. J'ai failli être brisée, je l'ai presque été. Mon courage, le sentiment de ma dignité ont été à peu près brisés pendant une période dont le souvenir m'humilierait. Si ce n'était que je n'en ai à proprement parler pas conservé le souvenir. Je me levais avec angoisse. J'allais à l'usine avec crainte. Je travaillais comme une esclave. La pause de midi était un déchirement. Rentrée à 5h15, préoccupée aussitôt de dormir assez, ce que je ne faisais pas. Qu'est-ce que le malheur ? À rebours de toute une tradition philosophique qui s'interroge sur le bonheur, Simone Veil décide, elle, de se demander ce qu'est le malheur, comment le définir, comment touche-t-il les hommes, comment les transforme-t-il ? Pour le savoir, à la fin de l'année 1934, elle décide de travailler en usine pour comprendre ce qu'est la condition ouvrière. Ce qui l'anime, ce n'est pas seulement de comprendre ce qu'est en vrai et sur le terrain l'aliénation, la domination, le capitalisme et sa production en masse. Ce qui l'anime, c'est de comprendre au sens propre, de saisir à bras-le-corps, jusque dans sa chair, ce qu'est la condition ouvrière pour ensuite pouvoir la dire. Dans une lettre ouverte à Jules Romain, 8 ans plus tard, elle écrit ainsi « La première difficulté à vaincre est l'ignorance. Au cours des dernières années, on a bien senti que les ouvriers d'usine sont en quelque sorte déracinés. exilés sur la terre de leur propre pays. Mais on ne sait pas pourquoi. Se promener dans les faubourgs, apercevoir les chambres tristes et sombres, les maisons, les rues, n'aide pas beaucoup à comprendre quelle vie on y mène. Le malheur de l'ouvrier à l'usine est encore plus mystérieux. Les ouvriers eux-mêmes peuvent très difficilement écrire, parler ou même réfléchir à ce sujet, car le premier effet du malheur est que la pensée veut s'évader. Elle ne veut pas considérer ce qui la blesse. Ignorance et mystère, Simone Veil a touché du doigt le problème du malheur, celui de ne pas être connu, disciple. Il y a un problème, mais on ne peut pas le nommer. Chante, ô déesse, le courroux du Péléide d'Achille. Courroux fatal qui causa 1000 maux aux Achéens et fit descendre chez Hadès tant d'âmes valeureuses de héros dont les corps servirent de pâture aux chiens et aux oiseaux sans nom. Ainsi Zeus l'avait-il voulu. Part du jour où naquit cette querelle qui brouilla l'Atride, gardien de son peuple, et le divin Achille. Quel dieu les fit se quereller l'un l'autre et se combattre? Le fils de Leto et de Zeus. C'est lui qui, de colère, sema un fléau dans l'armée, et les hommes mouraient. Après le malheur, la force, c'était le début de l'Iliade que l'on vient d'entendre et voici ce qu'en dit Simone Veil. Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force. Entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposer, courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose, au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un, et un instant plus tard, il n'y a personne. Que faire alors face à la force qui nous rend malheureux et que faire face au malheur qui fait ployer notre force? Comme on l'a dit, la force et le malheur vont de pair chez Simone Veil, l'une conduit à l'autre et l'autre annihile la première. Comment donc sortir de ce cercle infernal, sans les mots, sans la connaissance, sans les moyens physiques? Que reste-t-il? Comment faire quand on ne peut pas faire? À la fin de sa lettre à Jules Romain, Simone Veil déclare que l'on ne peut pas rendre heureux les hommes, mais que l'on peut tenter de ne pas contraindre aucun d'eux à s'avilir. C'est l'autre grande force, si je puis dire, de Veil, parler de malheur et non de bonheur d'une part, mais aussi d'autre part ne pas vouloir être volontariste dans la force, dans la réponse, ni détruire, ni construire, mais seulement comprendre, dire et révéler ce qui n'était pas, là serait une partie du remède. Merci Géraldine, le livre que vous tenez entre vos mains, un jaguar sous la couverture, c'est une très belle couverture. Très belle couverture jaune avec ce jaguar, Force et malheur, c'est les éditions La Tempête et c'est donc des textes de Simone Veil. Merci, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Bosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette émission, Alexandre Dang qui est à la prise de son, Hélène Losseur à la lecture des textes. Merci à Jacques Dariula qui est resté avec nous en studio. On se retrouve demain pour la suite de notre série d'émissions sur la beauté. Demain, nous serons en compagnie d'André Guyot avec qui nous parlerons de Baudelaire et de l'esthétique de la boue. D'ici là, pour réécouter cette émission sur le beau, chez Kant, compagnie donc de Jacques Dariula, c'est très simple, vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc pour parler du beau et de la beauté, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.